Don Bosco, Douiman. Bonsoir à tous. Les grands titres de ce journal, le médiateur dans les négociations inter-burundaises était attendu ce soir à Bujumbura. Benjamin Mkapa devrait rencontrer différentes personnalités du pays, mais les attentes par rapport à cette visite hautement politique sont mitigées. Nous avons promené notre micro-baladeur dans les rues de la capitale Bujumbura. Vous entendrez ce qu'en pense le citoyen lambda. Et si magasins sont partis en fumée ce matin à l'avenue du marché en plein centre-ville de Bujumbura, non loin de l'ancien marché central, complètement calciné en début de l'année 2013, la piste accidentelle est privilégiée pour déterminer l'origine de l'incendie. Des étudiants de l'Université du Burundi s'insurgent contre le renvoi des hommes universitaires de l'un des représentants pour s'être exprimés à propos du projet d'introduction de la pré-bourse dernièrement annoncé par les autorités. Enfin, le ministre en charge de la communication et des postes a annoncé un prochain recrutement à la Régie nationale des postes pour répondre au manque du personnel remarqué particulièrement sur les guichets de paye. Nestor Wangomukunzi répondait aux questions des députés ce mardi. Il était l'invité de l'Assemblée nationale pour des questions orales. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonsoir. Dans sa visite, le président Benjamin Mkapa donc aura à rencontrer différents acteurs impliqués et non impliqués dans le conflit burundais, comme nous l'avons lu sur son programme, le programme provisoire de cette visite de trois jours. Joseph Sabiyabandi a lu ce programme. Comme nous le lisons dans le programme provisoire de la visite du médiateur au Burundi, Benjamin Mkapa démarre les consultations le soir de ce mercredi à l'hôtel Loka Golf. Entre 19h et 20h, il rencontre le groupe des ambassadeurs africains, les représentants de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et ceux de l'Union africaine. Et ce jeudi, le médiateur démarrera ses activités sur une rencontre avec les ambassadeurs de l'Union européenne, des États-Unis, de la Chine, de la Russie et le coordinateur résident du système des Nations Unies au Burundi. Il poursuivra ses consultations avec le président de la République, puis avec le secrétaire général du parti CNDD-FDD. Et dans l'après-midi, Benjamin Mkapa rencontrera l'ombudsman burundais, les acteurs politiques clés comme Agathon Rwasa et l'ancien président Domitien Ndayizeye. Des rencontres avec les représentants des partis politiques reconnus par la loi, les confessions religieuses, la société civile, la CNDI, les représentants des femmes et de la jeunesse sont organisées dans la soirée de ce jeudi. Le médiateur clôturera sa visite de trois jours au Burundi sur une conférence de presse et ce sera vendredi matin. Merci Joseph. Et certains habitants de la capitale Bujumbura apprécient la venue ce mercredi soir du médiateur Benjamin Mkapa. Ils estiment que le dialogue pourra reprendre pour enfin trouver solution à la crise burundaise. D'autres, par contre, trouvent inopportune cette visite du médiateur. Ils se sont exprimés au micro-baladeur de Mireille Kanyang. Nous apprécions cette visite pour faire changer le cours des choses. C'est bientôt un contrat différent administratif. J'espère qu'il va convaincre nos autorités pour qu'ils se mettent d'accord sur leurs divergences et avoir la paix. Nta kinini tumwiteze ko kuko kubona abarundi bonyene izo mpande zibiri zishamiranye zitarashima ngo zigire imishikirano zivugane. On ne s'attend pas à grand-chose du médiateur. Vu que les Burundais protagonistes et même ne se sont pas encore rencontrés, vu le délai pendant lequel il a rencontré différents acteurs, s'il n'est pas aidé, on ne voit pas l'issue de la visite. Plutôt, on attend grand-chose de ce qu'il va rencontrer, dont le gouvernement et l'opposition. Nous espérons que les deux parties, chacune qui ne le campe pas sur sa position. Twe twiteze yuko hari gishobora guhinduka kuko injyana zimaze imisi mu Barundi barushe. Nous attendons un changement parce que les divisions entre Burundais sont fatigantes. Ce qui est bon maintenant, c'est que si le médiateur arrive à une solution, les jeunes pousseront un nouveau de soulagement du moment que certains jeunes ont fui le pays, qu'ils viennent rapprocher le gouvernement burundais et ceux qui ont fui le pays pour trouver solution au conflit burundais et ainsi vivre en toute quiétude. Kugira ngo Abarundi babeho batekanye umutima yabo. On s'entend dit tout. Il n'y a pas de qui ne verrait qu'il va faire parce qu'il savait l'origine du conflit entre le parti au pouvoir et l'opposition. On ne s'entend de rien, ils ne vont rien de nous faire, sauf qu'ils élaborent une nouvelle stratégie de relancer le dialogue entre l'opposition et le parti au pouvoir. Ça venait, je me disais que je reste convaincue que sa venue aboutira à quelque chose, surtout pour nous élèves, parce que régulièrement, les cours sont arrêtés pour des raisons d'insécurité. Nous espérons que ça va aller. Captez Isanganilo, écoutez la différence. 6 magasins, dont 4, ont été complètement calcinés ce jeudi matin à l'avenue du marché au centre-ville de la capitale Bujumbura. Les vendeurs expliquent qu'ils ne connaissent pas l'origine de cet incendie. De son côté, le porte-parole de la police indique que l'origine est probablement en court-circuit et invite les propriétaires des magasins à utiliser les extincteurs en cas d'incendie en attendant l'intervention de la police. Yves Munzimana a été là pour nous. Nous sommes sur l'avenue du marché en face de la Banque nationale pour le développement économique BNDE où des véhicules anti-incendie de la police est en train d'éteindre 6 magasins en feu. Sur 4 des 6 magasins, il ne reste que 10 cendres. Oneswan Daisenga, un responsable d'une pharmacie vétérinaire, estime que la perte enregistrée est d'une valeur de 30 millions de francs burundais. Selon le porte-parole de la police, l'origine de cet incendie est accidentelle. Il soupçonne en court-circuit et invite les propriétaires des magasins de se munir des extincteurs. La police a pu maîtriser le feu et maintenant, dans un instant, les activités vont reprendre. Le message ici, c'est d'inviter les propriétaires de ces magasins, pas seulement des magasins, mais toutes les personnes qui sont propriétaires d'un bien de valeur, de contacter les compagnies d'assurance pour qu'on puisse assurer leurs biens, mais également d'approcher la police qui est chargée de la protection civile. C'est là même qui est en train d'éteindre le feu pour qu'on puisse leur indiquer comment ils peuvent prendre les premières mesures. S'ils avaient des bouteilles qui sont utilisées, des extincteurs, s'ils avaient ces dispositifs, ils auraient pu éteindre le feu avant qu'ils n'atteignent les autres magasins, mais ils n'en avaient pas. Les commerçants qui ont perdu leurs marchandises demandent des indemnités à la régie des eaux. Merci Yves Ngonzimana. Dans la suite de ce journal, un des représentants des étudiants de l'Université du Burundi a été chassé des homes universitaires depuis le 2 décembre dernier. Ses camarades crient à l'injustice. Pour eux, la direction de la régie des œuvres universitaires ne devrait pas l'expulser pour avoir affiché une note contenant la position des étudiants sur le nouveau système de pré-bourse en voie d'être initié. Le chargé de la sécurité à l'Université du Burundi indique que cet étudiant a enfreint le règlement général de résidence des campus en affichant ses notes sans l'aval des autorités habilitées. Aubin Niyonkour. Patience Bonabucha, c'est le nom de l'étudiant expulsé des hommes universitaires. Il représente les étudiants de l'Institut pédagogique appliqué et fait partie de la représentation générale des étudiants. Ses camarades disent qu'il est accusé d'avoir affiché une note sans l'aval des autorités compétentes. Cette note portait sur la position des étudiants des universités publiques sur le nouveau système de pré-bourse en voie d'être initié au sein de cette université. Pour eux, cet étudiant ne méritait pas d'être expulsé. Et ce qui nous a surpris, c'est que l'organe qu'il a représenté est reconnu au sein de l'Université du Burundi. Alors, on se demande pourquoi et on ne trouve pas une réponse. Les étudiants voient que c'est une façon de les intimider peut-être. Ces étudiants s'inquiètent aussi de la sécurité de leurs camarades. Le chargé de la sécurité au sein des campus explique que l'étudiant concerné a violé le règlement sur la résidence dans les halls universitaires. Célestin Nibona Bonansizé. Il y a un certain temps, l'étudiant Bonabucha Patience a affiché une note qu'il a concoctée en l'absence des autres étudiants de l'Université du Burundi. Sinon, la représentation générale aurait connu cette correspondance parce que ce sont tous les étudiants de la représentation générale qui représentent en général tous les étudiants de l'Université du Burundi. Il a affiché cette note à l'insu de la démonstration alors qu'il y a un article qui est dans le règlement général des résidences et campus universitaires de ne pas afficher une note au tableau d'affichage sans avoir une aval de retour. Pour lui, cet étudiant n'a pas à s'inquiéter de sa sécurité. L'autre point de discorde au sein de cette institution concerne leur représentation qui n'est pas acceptée par tous. Merci Oba. Les abonnés de la Régie nationale des postes s'indignent parce qu'ils ne peuvent pas retirer de l'argent par manque de disponibilité du personnel. Telles sont les inquiétudes soulevées par les parlementaires ce mardi lors des questions orales au Parlement adressées au ministre de la Communication et des Postes. Nestor Wangomukunzi a répondu que cette régie va procéder au recrutement du personnel avant la fin de cette année. Christella Nizigama. Parmi les questions adressées au ministre de la Communication et Postes en rapport avec le secteur de la poste, les parlementaires sont beaucoup revenus sur le vol d'argent qui s'observe dans ce secteur par son personnel. Le parlementaire Léocadie Amoulemier, élu dans la circonscription de la province de Kirundo, a posé la question de savoir pourquoi ce vol répétitif dans cette province. Même les abonnés ne peuvent pas retirer leur argent régulièrement par manque de disponibilité du personnel. De nombreux cas de vol s'observent dans les bureaux postaux et parfois cela est fait par le personnel. À quoi est dû cela? Les abonnés s'indignent parce qu'ils ne peuvent pas retirer leur argent. On met un seul agent dans le bureau postal et s'il advenait que ce travailleur tombe malade, les abonnés ne retirent pas leur argent et les travaux sont interrompus. Sur cette question, Nestor Bangumukunzi a fait savoir que ce secteur procédera au recrutement du personnel avant la fin de cette année. Je vous annonce qu'avant la fin de l'année, on va donner de l'emploi. D'ici cette semaine ou la semaine prochaine, on va sortir un communiqué d'offre d'emploi. Cela va aider beaucoup. L'un aura la clé du coffre-fort et l'autre un code. Ce qu'on appelle la cogestion. Et ça va diminuer des cas de vol dans les bureaux postaux. Et sur le vol qui s'observe dans ce secteur, le ministre de la Communication et Postes a fait savoir que plus de 130 dossiers sont déjà devant les instances judiciaires et il y a des jugements déjà rendus. Nestor Bangumukunzi a en outre fait savoir qu'avec la modernisation de ce secteur, ces cas de vol vont diminuer. Merci Christelle. Il est difficile d'affirmer que toute diffusion d'une chanson sur un médium quelconque doit recevoir l'aval de l'Amicale des musiciens du Burundi. Tel est le point de vue d'un musicien de carrière, Issa Jamal, alias Yoya, le dit après que le Conseil national de la communication ait annoncé qu'à partir du 1er mars 2017, toute diffusion d'une chanson devra être avalisée par cette association sans but lucratif. Suivez Issa Jamal, traduit en français par Evrard Havzariman. C'est pas mal qu'il y ait un organe chargé de vérifier les chansons qui devraient passer ou pas sur les stations de radio. Mais c'est pas l'Amicale des musiciens. Ça me pousse à me demander mille et une questions. Est-ce que les chansons qui sont diffusées par les radios, c'est seulement les chansons burundaises? Il y a des chansons de Bob Marley, de Tiken Jafakoli. Une fois l'Amicale des musiciens aurait cette prérogative de vérifier les chansons qui sont diffusées. Qu'en est-il des chansons de Bob Marley, de Tiken Jafakoli? De deux, Sensei vient de donner l'autorisation à l'Amicale des musiciens du Burundi pour vérifier les chansons diffusables. Quelle autorité l'Amicale des musiciens a sur les chansons burundaises? Quelle autorité aux radios privées? Si l'Amicale des musiciens est une association comme les autres associations sans but lucratif, demain on verra la naissance d'autres associations. Une fois ces associations auraient au nombre de 5, 6 dans le cas du figure, à qui la CNC va octroyer cette prérogative? Vaut mieux dire que l'Amicale des musiciens est devenue une institution de l'État. Aussi longtemps il y a encore la liberté d'expression, c'est difficile de dire aux musiciens de passer tel ou tel message dans la chanson, sinon la chanson ne passera pas. C'est inacceptable. C'était Issa Jamal, alias Yoya. Nouvelle de Provence à présent, 90 personnes dont des enfants vivant dans la rue et des présumés prostituées ont été arrêtées à Muyinga ce mercredi. L'administrateur de la commune Muyinga parle d'une rafle visant à lutter contre la délinquance dans différents centres de Muyinga. Correspondance de Dieudonné Zeyman. Dans la matinée de mercredi, les policiers et les administratifs ont opéré une rafle en ville de Muyinga et au centre de négoce de Murama. des enfants de la rue et des personnes soupçonnées d'être des prostituées constituaient leur cible. Au total, 90 personnes, dont une trentaine d'enfants de la rue, ont été arrêtées et puis détenues au centre pour jeunes de Muyinga. Philippe Nyiramihigo, administrateur de la commune Muyinga, indique que ces arrestations visent à lutter contre la délinquance à Muyinga. Les enfants de la rue doivent regagner les ménages d'origine. Quant aux présumés prostituées, c'est aux instances judiciaires de trancher, précise l'administrateur. D'ici fin février de l'année prochaine, les autorités jurent de ne plus trouver de prostituées enfants de la rue au chef-lieu de la commune Muyinga. Les hommes partenaires des femmes, profession du sexe, sont désormais dans la ligne de mire de la police. À Mulama, on a arrêté 3 femmes et 3 hommes. Vous saurez que certaines des personnes arrêtées crient à l'injustice. On nous a fait sortir de nos maisons sans aucune infraction. Ces détentions n'ont fait qu'éclapser notre image. Pouvait-on entendre de certaines lèvres au centre jeune de Muyinga, de Denise Imana, Muyinga Radio, Isanganiro. Merci Dieudonné. D'autres nouvelles des provinces en bref. 16 filles sont au cachot de police de la zone Bouhiga en province Karoussi depuis la matinée de ce mardi. Elles sont accusées de prostitution. Les responsables de l'administration et de la police sur place indiquent qu'elles ont été appréhendées pour des raisons de sécurité et qu'elles seront incessamment relâchées avec un ordre de retourner sur leur colline d'origine. Et les éleveurs de la commune Gihanga, les responsables au ministère de l'Environnement et l'administration provinciale, ne s'entendent pas sur l'amende de divagation du bétail dans la réserve naturelle de la Rukoko. Les uns parlent de 5 000 francs burundais par tête de bétail, d'autres parlent de 20 000 francs bou, jusqu'à 100 000 francs par vache. Et cela a fait que 80 vaches attrapées ce lundi dans cette réserve soient détenues durant 2 jours sans manger et n'ont été récupérées par les propriétaires que ce mardi soir. Enfin, les cultures de maïs sur 5 collines de la plaine de Kabizi dans la province de Bujumbura sont déjà attaquées par des chenilles. Les feuilles de maïs attaquées paraissent comme frappées par la grêle et finissent par sécher. Les cultivateurs demandent une aide de produits phytosanitaires pour pulvériser leurs cultures. Anissé Arelimana, agronome communal de Kabizi, fait savoir qu'il attend l'octroi de ces produits par la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage. Mais en attendant, il conseille aux agriculteurs d'acheter un produit appelé disurban pour la pulvérisation de ces cultures. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndouaïo pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.